Une vie en sursis, geste suicidaire. Je te parle d'un acte assassin, une vie en plein déclin, geste suicidaire. C'est le désespoir, plongé dans le noir, tel un chien dans un putain de square, geste suicidaire. C'est voir mes gars en plan pour un carjacking, roué de coups, un gars portant un putain d'insigne, geste suicidaire. Sortir Glock et au feeling tirer sur tout ce qui bouge, geste suicidaire. C'est se faire sauter comme un palestinien, de cette ville on n'attend plus rien, geste suicidaire. C'est sentir dépendant de la CC, de cette extase c'est ta vie qu'elle va faire cesser, geste suicidaire. Un acte incendiaire, pour tout dire c'est hardcore et ça date pas d'hier. À croire que la misère, tu la recherches sans cesse, confesse ta tristesse pour repartir plus belle. Quand on oublie sans cesse que cette vie empêche, rends-toi compte qu'on est là pour un temps qui se presse, geste suicidaire. Y'a rien d'ordinaire quand une mère style les veines dans sa vie trop de peine, geste suicidaire. C'est le couteau à la main, le ventre fendu, c'est la corde autour du cou, la langue pendue, c'est le crâne troué, sa propre balle qui l'a abattu, geste suicidaire. C'est la force de ceux qui en ont plus, et l'espoir, ils n'y croient plus, ceux qui ont tout perdu, geste suicidaire. C'est le dernier acte courageux des vaincus, geste suicidaire. C'est prendre l'âme de rasoir et de s'ouvrir les veines, prendre des somnifères pour rejoindre le monde des rêves, finir sa vie en se pointant un flingue sur la tempe, dis-moi si ça tente, geste suicidaire. C'est d'être ivrogne, voir fouler, prendre le volant, c'est de se tuer en faisant tout sauter dans une pente, d'être à 201 reins en fonçant sur un mur, dis-moi si ça te tente, geste suicidaire. C'est de se pointer du haut d'un gratte-ciel, plus rien ne m'arrête, c'est pas tout prix que je disparaisse, ou de courir à toute allure et foncer sur un bus, dis-moi si ça te tente, geste suicidaire. D'être en cellule et se libérer avec une ficelle, ou pour une fille tenter de faire des actes mortels, quand la folie te hante, avoir l'idée de passer de l'autre côté, dis-moi si ça te tente, geste suicidaire. C'est comme ce tox qui ne prend pas la peine d'aller en cure, préfère se nourrir, mourir en se descendant de trop dur, peut-être comme ça pour lui la vie sera moins dure, dis-moi si ça tente, geste suicidaire. Considère que ce que je raconte sont des faits réels, considère que tout se passe dans nos ruelles, plus rien le matin, alors dis-moi c'est quoi qui tente, je veux t'entendre, c'est notre geste monde, geste suicidaire. C'est le couteau à la main, le ventre fendu, c'est la corde autour du cou, la langue pendue, c'est le crâne troué, sa propre balle qui l'a abattu, geste suicidaire. C'est la force de ceux qui en ont plus, et l'espoir, ils n'y croient plus, ceux qui ont tout perdu, geste suicidaire. C'est le dernier acte courageux des vaincus, geste suicidaire. Provoqué par le mal de vie d'une jeunesse gâchée, ils sont mal aimés, se cachent pour s'empoisonner au cachet, geste suicidaire. Peut-être aussi provoqué par la mort d'une proche, ils décident de partir là-haut, la rejoindre pour se sentir plus proche, geste suicidaire. C'est la chute de plusieurs étages de cette femme en scène, pleine d'amertume. C'est le claquement de son corps tombant sur le bitume, geste suicidaire. C'est de ne plus pouvoir supporter et quitter ce monde, traumatisé d'avoir été témoin de trop d'actes immondes, geste suicidaire. C'est cet homme stressé qui dans ses cigarettes croit trouver un soulagement, mais lentement se meurt, un de plus dans ce suicide collectif de tous ces millions de fumeurs, geste suicidaire. C'est cette jeune fille qui en pleine nuit laisse tomber un rocher au pied, du haut d'un pont se laisse tomber, elle se sent seule, sale, virginité perdue violemment, son père l'a violée brutalement, geste suicidaire. C'est cette armée qui a froidement assassiné l'enfant de cette mère, n'ayant plus l'âge d'en faire, c'était dernier qu'elle perd, contenant plus sa haine, se transforme en bombe humaine, geste suicidaire. C'est autant de personnes qui souffrent, n'ayant comme seule issue la porte de la mort qu'ils ouvrent, geste suicidaire. C'est le couteau à la main, le ventre fendu, c'est la corde autour du cou, la langue pendue, c'est le crâne troué, sa propre balle qui l'a abattu, geste suicidaire. C'est la force de ceux qui en ont plus, et l'espoir, ils n'y croient plus, ceux qui ont tout perdu, geste suicidaire. C'est le dernier acte courageux des vaincus.